Utuku fu kwa Bwana. Asante Bwana kwa ajili ya uwepo wako. Dieu vivant est dans la maison. Mungu aliye hai uko ndani ya nyumba. Le Dieu des cieux. Mungu wa mbingu. Celui qu'on appelle Je suis. Wanayemuita niko. Le celui qui s'appelle Je suis. Yeye ndiye anayeitwa niko. Il est au milieu de nous. Na iko miongoni mwetu. Il est là. Iko hapa. Je sens sa présence. Nasikia uwepo wake. Il est sérieusement présent. Hakika iko kikweli kweli hapa. Le Dieu puissant. Mungu mwenye uwezo. Le Dieu qui guérit. Mungu anayeponya. Le Dieu qui est venu nous faire du bien. Mungu aliyekuja kututendea mema. Le Dieu redoutable. Mungu ambaye anaogopesha. Est venu nous délivrer. Amekuja kutufungua. Le Dieu puissant. Mungu mwenye uwezo. Qui désire une place. Anahitaji akuwe hapa. Dans ses cœurs. Ndani ya moyo. Le Dieu qui ne change pas. Mungu asiyebadilika. Qui offre une opportunité. Anakupatia fursa. Qui offre une opportunité. Anakupatia fursa. D'habitation. Ya kuketi. De logement. Ya kukaa. Dans une vie. Ndani ya maisha moja. Merci Seigneur. Asante Bwana. Glorifie-toi. Ujitukuze. Que ta gloire remplisse ces lieux. Utukufu wako ujaze mahali hapa. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Soyez bénis. Mubarikiwe. Nous poursuivons. Tunaendelea. Attire Dieu. vutia Mungu. Et sa gloire na utukufu wake dans ta vie maishani mwako. Attire Dieu et sa gloire. Vutia Mungu na utukufu wake. Prenez quelques textes. Tukueni maandiko chache. Galates chapitre 4 verset 19. Wa Galatia 4 mstari wa 19. 2 Corinthiens 3 18. Wa Korinto wa 2 3:18. 1 Chroniques chapitre 12 verset 23 à 40. Mambo ya siku ya kwanza 12 23 hadi 40. 2 Samuel chapitre 2 verset 1 et suivant. Samueli wa kwanza sura 2 mstari wake wa kwanza na kuendelea. Et puis nous sommes dans 1 Chronique chapitre 13 et 14. Na kisha tuko ndani ya kitabu cha mambo ya siku ya kwanza 14. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Galates chapitre 4. Wa Galatia sura 4 verset 19. Mstari wake wa 19. Il est écrit. Imeandikwa. Mes enfants. Wana wangu. Pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mpaka wakati Kristo atajengwa ndani mwenu. Dans ce texte, il y a une notion ndani ya andiko hili kuna jambo de progression ambalo linakuwa kama ni hatua ya kuendelea. Dans la gloire ndani ya utukufu. La notion de progression insinue l'idée hatua ya kuendelea inakuwa ikionyesha de la responsabilité ikionyesha jukumu. Pour que la gloire de Dieu vienne, ili utukufu wa Mungu uje, Dieu attend une certaine attitude chez l'homme. Mungu anangojea hali fulani kwa mwanadamu. Nous avons parlé hier. Jana tulikuwa tukisema sur l'inattention juu ya kukosa les prescrits de Dieu. Ya ile ambayo Mungu anagiza. L'inattention envers la personne même de Dieu. Kukosangalisho juu ya utu wa Mungu. Et toutes ces choses dont nous avons partagé. Na mambo hayo yote tuliyoyazungumzia. Qui en fait ambayo sont élagués à la mesure de la qualité de notre attitude. Ambayo yanashindwa kufuatana na hali yetu. Lorsque notre attitude est bonne, wakati hali yetu ni nzuri, les choses marchent mieux. Mambo hayo yanaendeka vizuri. Lorsque nous voulons la gloire de Dieu. Wakati tunahitaji utukufu wa Mungu. Lorsque notre attitude est tronquée. Wakati hali yetu ni mbaya. Les choses vont aller mal. Mambo yataendeka vibaya. Parce que notre mauvaise attitude. Sababu hali yetu mbaya. Va repousser Dieu. Itakuwa kimtupilia Mungu. Tu peux aimer la plus belle fille dans le monde. Unaweza kumpenda msichana mrembo sana duniani. Et tu peux être la personne la plus nantie, la plus digne de cette fille-là. Na unaweza kuwa mtu ambaye ni tajiri. Et lorsque tu viens chez cette fille, na unapokuja kwa binti huyo, elle peut sentir que ça c'est l'homme qui me mérite. Anaweza kujisikia kwamba huyu ni mume kabisa na inistahili. Mais son attitude, lakini hali yake, face à ton approche, mbele ya kukaribia kwako, peut faire que cet homme s'en aille. Inaweza kufanya mume huyo aende. Pourquoi cet homme est venu? Sababu gani mume huyo amekuja? Il a trouvé certains indices. Ameona alama fulani. De la femme idéale qu'il cherchait. Ambaye kabisa anayemtafuta. Mais l'attitude de la femme. Lakini hali ya mwanamke huyo. Peut te faire partir. Inaweza kufanywa na kwenda. Écoutez-moi bien. Unisikilize vizuri. Cette femme, huyo mwanamke, peut poser des actes mécaniques. Anaweza kufanya matendo ya kujikaza. Qu'elle a reçu de l'éducation. Ambayo aliondoa ndani ya madirisha. Que quand il y a un fiancé qui arrive. Ya kwamba wakati kuna mtu anayekuja. Kaya kake qui te demande la main. Wakati kuna mtu ambaye anakomba. Voici comment il faut faire. Tazama namna gani naomba kufanya. Mais il faut faire. Lakini kuna ile ambayo inapaswa kufanya. Et il faut être. Na kuna ile ambayo inaomba ukue. Et dans le il faut être, c'est là que nous retrouvons l'attitude. Je vous ai dit hier, le projet de Dieu dans ce programme, c'est que chacun de nous, nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Et ce que nous sommes en train d'apprendre comme des principes, tu peux risquer de les prendre de manière mécanique. Mécanique. Kama vile kutafutisha. Kufanya fanya. C'est ça, non? Balisema tulete sadaka. On a dit que nous apportions les offrandes. Mon offrande. Balisema tupige magoti. On a dit que nous nous agenions. Je m'agenouille. Balisema tu. On peut amener les offrandes. On peut se mettre à genoux. Les gens de Beth Shemesh, ils ont amené des sacrifices. Ils ont fait certaines choses habituelles. Qui savent que c'est comme ça qu'on fait? Déjà les deux vaches de lait qui ont amené l'arche, ils ont offert carrément ça à sacrifice. En holocauste. Pour ces dieux qui viennent d'arriver. Ils ont appris que c'est comme ça qu'on fait. Mais ça n'a pas suffi pour que Dieu commence à être content. Ce soir, j'aimerais beaucoup m'attarder sur cette question de l'attitude. Et on va regarder au travers des Écritures comment certaines personnes ou une personne, son attitude a presque obligé Dieu de venir chez cet homme-là. Acte chapitre 13, verset 22 dit: Matendo ya mitume 13, j'ai cherché un homme et j'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Homme selon mon cœur. Dieu, Mungu, ton cœur est touché. Moyo wako umeguswa. Dieu, Mungu, c'est homme selon ton cœur. Hein? Ni mtu anayekupendeza moyo wako. Ndio. Donc quand on ouvre ton cœur, ni kusema tunapofungua moyo wako, on va vraiment trouver que cet homme est dedans. Tutakuta ya kwamba huyu mtu yuko ndani. Mais qu'est-ce que cet homme a fait? Lakini huyu mtu amefanya nini? Pour pénétrer ton cœur. Ili aingie ndani ya moyo wako. Tu es quand même le Dieu de l'univers. Si wewe ni Mungu wa ulimwengu. Tu es quand même le Dieu qu'on appelle en anglais le Almighty. Wewe ni Mungu mwenye uwezo wote. Donc, le Tout-Puissant. Ni kusema ni Mungu mwenye uwezo wote. Comment je peux aller pénétrer le cœur du Dieu Tout-Puissant? Namna gani naweza kuingia ndani ya moyo wa Mungu aliye na uwezo wote? Comment on fait pour entrer dedans? Namna gani unafanya ili uingie ndani? C'est la raison de ces deux semaines. Hiyo ndio sababu ya wiki hizi mbili. C'est pourquoi on n'est pas pressé. Il y a beaucoup de chapitres que j'avais prévus. Mais je m'étonne que nous sommes encore au deuxième chapitre. Et si on ne finit pas, bon, ça viendra dans les dimanches, dans les suites. Dans mais l'esprit essaie de me retenir pour dire attention. Ne cours pas dans cette affaire-là. Vas-y doucement, de telle manière que tu t'assures que ces hommes et ces femmes ne ratent pas cette opportunité. Dis à ton voisin, mon frère, je te supplie, ne rate pas cette opportunité. Dis-lui avec insistance, on a ses mailles. Insiste. Je ne sais pas comment vous le dire. Et Paul dit, je souffre encore des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ formé en moi, Eston. Ndani mwangu Eston. Ça veut dire inamaanisha il y a déjà un morceau de Christ ou bien? Kumesha kuwa kipande cha Kristo ama? Ce concept formé en vous fait appel à la notion de la plénitude. Jusqu'à ce que la plénitude de Christ se manifeste en vous. Qu'est-ce que cette plénitude de Christ? Qu'est-ce que cette plénitude de Dieu? C'est l'être de Dieu. C'est la personne de Dieu. C'est l'essence de Dieu. C'est les œuvres de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est les sentiments de Dieu. Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Cette plénitude englobe infiniment de choses. C'est cette sagesse de Dieu. C'est cette intelligence de Dieu. Vous savez, depuis que la Pentecôte est expliquée comme la plénitude du Saint-Esprit, et que les gens ont parlé en langue, les gens ont tendance à confondre ou à interpréter plénitude du Saint-Esprit en plénitude de sensation. Seigneur, remplis-moi comme celui-ci. Que moi aussi je sente quelque chose. Une plénitude émotionnelle ou sensationnelle. De grandes quantités de sensations. La plénitude dans l'entendement de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit dans l'entendement de Dieu, c'est la plénitude de Dieu, c'est la plénitude de son être, c'est la plénitude de sa personne, c'est la plénitude de son essence, c'est la plénitude de ses œuvres, c'est la plénitude. Et c'est ce que Dieu veut t'offrir. C'est ce que mon cœur recherche. Mon cœur languit après ça. Je pleure devant Dieu pour dire, donne-moi ça. Nous avons vu dans Éphésiens chapitre 3 verset 19 hier. Jusqu'à ce que vous soyez remplis. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Regardez. Connaître l'amour de Christ qui suit pas toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Remplis de toute la plénitude de Dieu. Jésus dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenira sur vous. Et vous serez mes témoins. C'est un aspect que Jésus exprime. La provision pour la mission. Mais Dieu nous veut toute sa plénitude. Parce que l'existence du chrétien ne consiste pas seulement à faire la mission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut plus que de nous donner la puissance pour gagner les âmes. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement à gagner les âmes, mais consiste aussi à établir son être sur la terre, à établir son règne sur la terre, à établir ce que Dieu est sur la terre, à établir les œuvres de Dieu sur la terre, à établir l'atmosphère du ciel sur la terre. La plénitude ne consiste pas simplement à être rempli de puissance. Très intéressant et important. Parce qu'il en faut la puissance. Quand je parle de quelqu'un à Jésus, de Jésus à quelqu'un, que son cœur soit touché, comme le jour de la Pentecôte, les participants à Jérusalem disent, hommes frères, que ferons-nous? Dans Actes chapitre 2, verset 37 et suivant. Hommes frères, que ferons-nous? Pierre est rempli de la puissance du Saint-Esprit pour ramener les âmes au salut. Mais Dieu est en quête de plus que cela. Dieu a des objectifs dans lesquels il y a le salut des âmes, mais il y a aussi plus que ça. Dieu a besoin de soumettre le monde des ténèbres. Dieu a besoin de soumettre les royaumes. Dieu a besoin de faire énormément de choses à l'univers, énormément de choses sur la terre. C'est constituer son royaume des hommes et des femmes qui vont régner avec lui. Donc, la plénitude dont nous avons besoin, c'est plus que de la capacité de gagner les âmes. Est-ce que quelqu'un capte quelque chose? Je peux voir votre main si vous captez quelque chose. Est-ce que quelqu'un a un téléphone? Je kuna mtu ana simu. Vous avez un téléphone? Kuna mtu ana simu. Ok, fais un SMS à ton ami qui n'est pas encore là. Andikia ujumbe. Dis-lui, tu es en train de rater des choses maintenant. Mwambie uko nakosa mambo mengi kwa sasa. Je vous donne une minute. Nawapatia dakika moja. Faites un SMS à quelqu'un. Après, tu vas éteindre le téléphone. Après, tu vas mettre en mode avion. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Ndani ya Wakorintho wa pili 3:18. Paul dit. Paulo anasema. Nous tous, sisi wote, qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire à gloire, c'est-à-dire de cabode à cabode, de cabode à cabode. Comme par le Seigneur, l'Esprit. Vous avez vu ça? De gloire à gloire. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que la gloire soit formée en vous. Il y a une notion de progression vers la plénitude de la gloire. Et cette plénitude évolue à la mesure du degré de notre conscience. Aussi, à la mesure du degré de progression de notre conformité au principe de Dieu, à la mesure où notre attitude se développe envers Dieu de telle manière que nous comprenions qu'est-ce que est Dieu, que nous devenions corrects avec Dieu, que nous comprenions ce que Dieu attend, que nous comprenions qui nous sommes et qui est Dieu et comment nous devons nous comporter envers lui. Ça nécessite la progression. Ce n'est pas par un coup de baguette. Ce n'est pas par une déclaration. Allez, sois rempli de la cabode. La cabode est là. Non. Il y a notion de les douleurs de l'enfantement. Il y a la notion d'une biche qui soupire après les courants d'eau. Il y a la notion de la conscience de l'individu. Ce n'est même pas la conscience d'abord de la collectivité. C'est d'abord la conscience individuelle qui nous amène à monter ces escaliers. Ce n'est pas toujours facile à cause de l'encombrement de notre être. Notre être est encombré des principes du monde, encombré des semences du diable, encombré des attitudes acquises dans le monde, au travers de nos amitiés, au travers des choses dans lesquelles tu t'es beaucoup habitué. Tu as passé beaucoup de temps dans une forme de vie. Cette forme de vie t'a formaté négativement. Alors tu as déjà compris qu'il te faut la cabode. Mais pour y arriver, il y a des choses qui te tirent derrière. Jésus dit dans Jean 14:30, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Je n'ai pas des choses qui m'encombrent. Je n'ai pas des choses qui vont m'empêcher d'opérer, d'agir. Je n'ai rien de Satan dans mon système. J'ai pas des choses qui m'encombrent. Pourquoi devons-nous passer 15 jours? Parce qu'il faut que nous ayons suffisamment de temps pour monter ces escaliers. Monter ces escaliers. Jusqu'à ce que Christ soit formé. Jusqu'à ce que la cabode, la gloire de Dieu, de gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'amènes à la profonde. Tu m'amènes. Un peu comme si le Saint-Esprit est en train de nous pousser ici. Enda. Ni kama vile Roho Mtakatifu iko anatusukuma na tuambia twende tupande. Vas-y mon fils. Uende mwanangu. Vas-y ma fille. Uende binti wangu. Tu m'amènes. Unanipeleka. Amène-moi à la base. Unipeleke huko kwa. Que Christ soit formé en moi. Christ wa chengwe. Que la gloire soit formée en moi. Utukufu wa Mungu chengwe na moi. Et à un moment donné. Na kwa wakati moja. Christ est pleinement. Christ anajazwa ndani mwangu. On peut parler de la plénitude. Na hapa tunaweza kusema juu ya kujazwa. Et cet état de plénitude na hii hali ya utele change le comportement de Dieu envers nous. Inabadilisha mwenendo wa Mungu mbele yetu. Au point que les voisins na hata jirani peuvent commencer à s'étonner, à se poser des questions. Anaweza anza kushangaa na kujiuliza maswali. Ebi ulipatia kwa Mungu nini? Ni comment ça dit toi tu as donné à Dieu quoi? Si uniambie. Dis-moi les secrets. On est tous ensemble à genoux devant ces dieux. C'est ce que tu n'as pas gamagot. Nous faisons la même prière. Tu quand tu n'as fanya ombi le. Dieu exauce Élie. Mungwa namjibu Nehemia. Et Nehemie. Mungwa namjibu Nehemia. Et puis m'exauce pas. Na kisa mimi hanijibu. Ni nini? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, ni nini na wewe? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Qu'est-ce qui se passe? inapitikana. Dans la forme, ndani ya utu, il est possible qu'on est à genoux à ce premier escalier. Inawezekana tunapiga magoti. Et physiquement, vous nous voyez tous les deux. Mais c'est possible que moi je suis au premier escalier. Mimi niko kwa ngazi ya kwanza, lakini Nehemia amefika kwa ya mwisho. Alishaenda. Sasa tunafanya même prière. Nous sommes en train de faire la même prière. Oh Dieu, Mungu, fais quelque chose pour moi. Unifanyie kitu. Viens. Njo. Le terrain est préparé. Uwanja uko tayari. Et puis lui il était déjà là. Lakini mimi nimeshafika huko kumwisho. Ça éclate. Na mambo ya Mungu yanatokea. Je suis au premier escalier. Lakini yeye iko kwa ngazi. Je suis encore pleinement encombré. Ningali na nafasi ambayo najazwa na vitu vibaya. Quelqu'un me capte. Kuna mtu ananisikiliza? La progression. Kuendelea. De gloire à gloire. Utukufu moja hadi utukufu. Est-ce qu'on peut mémoriser ces versets rapidement? Je tunaweza kushika hii shahili haraka. Quand nous contemplons sa gloire. Tunapo tafakari utukufu wake. Nous tous qui le visage découvert. Sisi sote allons-y ensemble. Allons-y ensemble. Tunaweza kwenda pamoja. Nous tous. Sisi sote qui le visage découvert. Uso wetu umefunuliwa. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Utukufu wa Bwana. Regardez. Tazama. Contemplons comme dans un miroir. Tunatazama kama kupitia kio. Soulignez ça. Mnaweza kuweka kistari chini ya hiyo. Contemplons comme dans un miroir. Tunatazama kama kupitia kio. C'est la partie de la conscience. Hii inakuwa ni sehemu ya zamiri. En fait, kweli, la conscience dont nous parlons zamiri tunayozungumzia nous permet de percevoir la gloire de Dieu. Inatuwezesha tutazame utukufu. Comme dans un miroir. Kama ni kupitia kio. Alors nous sommes ici en bas et nous contemplons la gloire. Autrement, prenons conscience de la gloire. Comme dans un miroir. Nous contemplons la gloire. Et plus nous la contemplons, plus nous montons vers là. Plus nous montons vers là. Plus nous disons à Satan, Niache, laisse-moi. Toka. Laisse-moi. Nous enlevons les mauvaises choses et nous y allons. Alléluia. Amen. Quelqu'un durant ces deux semaines doit y aller. Amen. Il faut y aller. L'une des choses qui tue le Congolais, c'est la paresse. Kongolais. Nous contemplons qu'on a un miroir. Tunatazama tu kama ndani ya kio. Les richesses du Congo. Tunatazama utajiri wa Congo. Mais nous n'y avançons pas. Lakini hatuende huko. Les gens de l'extérieur. Watu wa nje. Contemplent comme dans un miroir. Wanaangalia kama kupitia kio. La gloire des richesses du Congo. Utukufu wa utajiri ulio Congo. Et ils progressent vers là. Nao wanaendelea. Les uns font la guerre. Wamoja wanaleta. Les autres font des complots. Wengine wanafanya. Les autres font des lobbies. Wengine wanafanya. Les autres font des choses qu'ils veulent. Wengine wanafanya mambo wanayotaka. Et puis ils prennent les richesses. Wengine wanachukua utajiri. Et puis. Na kesa. Et nous les Congolais. Na sisi sasa wa Kongo. Nous sommes juste là, tuko tu hapa, en train de contempler tukitazama. Pays extrêmement riche. Oh, nchi tajiri zaidi. Infiniment riche. Alléluia. Na utajiri ambao tu as vu ce Libanais là. Unaona huyu Mlebanoni huyu. Tu as vu, non? Unaona huyu Mlebanoni. Il est devenu riche. Yeye amegeuka tajiri. Oh, pays énormément riche. Oh, nchi ambayo ni tajiri. Amen. Pays énormément. Vous faites le surplace. Unabakia fasi moja. Qu'est-ce qui nous cloue? La paresse, l'irresponsabilité, la négligence. Et quelqu'un apparaît au Congo aujourd'hui. Et demain nous courons pour qu'il nous donne du travail chez nous. Et qu'il nous paie de notre argent. Et ceux qui viennent dans les mines, ils disent ok, on va partager la richesse. viwanja ya kuchumbua mawe ya bei kali wanasema tutatafuta utajiri. Je vais vous construire des écoles à contrepartie. Nitawajengea masomo. Je vais construire une école quelque part dans une brousse. Nitachimbua mawe yenu ya samani na kisha nitawajengea masomo. Je vais construire un dispensaire. Na kisha wanawatengenezea kituo cha afya. Wataanza kuwatunza ni vizuri. Le congolais il est là il regarde. Na mkongomani kwa hapa anaangalia. Il envoie son enfant dans cette école. Na natuma mtoto wake ndani ya shule hilo. C'est ça la contrepartie. Ndio malipo. Non, oui, on va avoir du travail, on va fournir des boulots. Oh, tutawapatia makazi. Ndio. Combien de boulots? Kazi ngapi? Je vais amener les machines. Nitaleta machine. Les machines vont creuser. Na machine yatachimbua. Alors, je vous donne combien de boulots? Sasa nitawapatia kazi ngapi? Mais vous savez pas utiliser les machines? Sasa nyinyi hamjui kutumia machine. J'importe le personnel à l'étranger. Nitawaleta watakaotumika nchi ugeni. Et nous on est en train d'admirer. Na hapa tuko tunafurahi tu. Utajiri kunaenda eh. Oh, les richesses sont en train de partir. Baba. Oh mon Dieu. Quand nous contemplons comme dans un miroir. Kama ni kupitia kio. Il faut que le miroir reflète bien la gloire en question. Et ce miroir, c'est notre conscience. Il faut que notre conscience attrape bien la gloire en question. Afin que elle nous attire vers là. Et que nous commencions à payer les prix. Pour franchir des étapes et progresser jusqu'à rentrer dans la gloire. Alléluia. Amen. Alors rentrons dans notre texte de tous les jours. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Nous prenons le modèle de David. Tunachukua mfano wa Daudi. Bwana sifiwe. Amen. C'est dans quel texte? Ndani ya andiko gani? 1 Chronique chapitre 13 et 14. Mambo ya siku ya kwanza 13 na 14. David est roi. Daudi ni mfalme. Comment il est devenu roi? Namna gani amekuwa mfalme? Il est de la tribu de Juda. Yeye ni wa kabila la Yuda. Et Dieu a dit, na Mungu kasema, je destitue Saül, ninamuondoa Saul, j'ai trouvé quelqu'un selon mon cœur, nimempata mtu anayependeza moyo wangu, va dans la famille de Isaï, wende ndani ya jamaa ya Yese, et ouais-moi un jeune homme, il est là-dedans. Na wende kanipakalie mafuta kijana moja aliye hapa. Ce jeune homme, vous connaissez son histoire, na huyo mnajua historia yake. Il est berger de troupeaux, yeye ni mchunga kondoo, et vous voyez tout son parcours, na mnaona safari yake yote. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Qui a fait les SMS? Nani ambaye alifanya ujumbe? Tout à l'heure là, vous avez fait les SMS. Hapa harakani hapa. Okay, merci beaucoup. Acclamons les bien-aimés qui ont fait les SMS. Tushangilie wapenda waliofanya ujumbe. Alors, allez avec moi au chapitre 14. Mwende pamoja nami kwa sura ya 14. D'abord au chapitre 13. Kwanza kwa sura ya 13. Et le verset 3. Na mstari wake wa 3. 2 et 3. Mbili na tatu. David Daudi convoque le peuple hein, pour un objectif kwa ajili ya shabaha moja, de ramener l'arche de l'Éternel ya kurudisha sanduku la gadi dans un bon logement aitie ndani ya makao mema à la cité de David ndani ya mji wa Daudi. Et il dit na nasema, au verset 3, ramenons auprès de nous turudishe l'arche de l'alliance de notre nasi, Dieu sanduku la gano la Mungu wetu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Sababu hatukujali nayo kwa wakati wa Saulo. Je vous ai expliqué hier ou avant-hier. Niliwafasiria jana majuzi. Que Saül passe roi. Ya kwamba Saulo amekuwa mfalme. Il est très humble. Anakuwa ni mnyenyekevu sana. Il est très conscient de ses limites. Anakuwa na dhamiri ya mipaka yake. Et il fait la première guerre. Na anafanya vita vya kwanza. Il la remporte avec brio. Na anashinda vita hivyo. Et la corruption l'attrape. Na anaanza kuchafuka mapikara yake. Son attitude se gâche. Hali yake inaharibika. Il sent qu'il est capable. Il sent que lui aussi peut faire. Et quand son attitude se gâche, il commence à commettre des erreurs graves. De telle manière qu'à un moment donné, Dieu décide de le destituer. Spirituellement, Dieu décide d'établir un autre roi, un jeune homme David. Mais Saül reste au pouvoir pendant plusieurs années encore, occupé d'une occupation principale, chercher à éliminer les jeunes hommes qu'on a oint. Amen. Amen. Mais dans le cœur de David, lorsque nous lisons ce texte, nous retrouvons une attitude limpide. C'est vrai, David a commis beaucoup d'erreurs, de polygamie. Il a fait la brousse. Alikuwa ndani ya pori. Dans cette vie où Saül le poursuit, ndani ya maisha haya ambao Saul anamfuatilia, il se fait joindre par les mécontents. Na anajiunganisha na wale wasiofurahi. Et il fait plusieurs années dans une vie terrible. Na anafanya miaka nyingi ndani ya maisha magumu. Et ça forge l'attitude de Saül, de David. Na hii inakuwa kitengeneza hali ya Daudi. Envers Dieu. Mbele ya Mungu. De telle manière hata, que David comprend qui il est et qui est Dieu. Anaelewa yeye ni nani na Mungu ni nani. Il développe une attitude correcte anakuwa na hali nzuri au sujet de lui, David, hali iliyo sawa tu ya et au sujet de Dieu. Na hali iliyo sawa mbele ya Mungu. Mais Dieu comme sa source. Lakini Mungu anayeonekana kama chemchemu yake. Dieu comme son Dieu. Mungu kama vile Mungu wake. Non pas Dieu comme son féticheur. Hapana Mungu kama vile mchawi wake. Ou son marabout. Ama mfumu wake. Mais Dieu comme son tout. Lakini Mungu kama yote yake. Et j'aimerais vous amener à faire une petite comparaison dans son attitude. Dans son parcours, dans 2 Samuel chapitre 1er, à partir du premier verset, j'étais un peu coup d'œil là-bas. David est établi roi sur deux tribus. Daudi anasimikwa mfalme juu ya kabila mbili. Zile tribu de Juda. Ilikuwa juu ya kabila la Yuda. Après cela David consulta l'Éternel en disant. Hapo Daudi akamuomba. Monterai-je dans une des villes de Juda? Nitapanda ndani ya mji mmoja. L'Éternel lui répondit: monte. Mungu akamwambia panda. Et David dit: où monterai-je? Na Daudi akasema nitapanda wapi? Et l'Éternel répondit: à Hébron. Na Bwana akamjibu akisema Hebron. Et David y monta avec ses deux femmes, c'est ce que je venais de mentionner tout à l'heure. Na Daudi akapanda huko na wake wawili. Ne dites pas que bon, okay, le pasteur nous a prêché la polygamie. Msiseme ya kwamba mchungaji aliwahubiri kuwa na wake wengi. À Dieu lui-même de savoir comment faire avec. Mambo haya Mungu yeye mwenyewe ajue ya kufanya. Et David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes de Hébron. Na Daudi akaenda na watu waliokaa pamoja nao na wakaishi ndani ya Hébron. Écoutez ce que David parle. Sikiliza sasa ile ambayo Daudi anasema. Kuanzia sasa ile la kila ini. Les hommes de Juda. Watu wa Yuda. Vers. Wakakuja. Et là, ils loignirent David comme roi. Wakakuja hapo na wakampaka mafuta Daudi kama mfalme. Sur la maison de Juda. Juu ya nyumba ya Yuda. Le pays contient 12 tribus. Nchi inakuwa na kabila 12. Mais David. Lakini Daudi. Son prédécesseur. Aliyemtangulia. Régnait sur tous les pays. Alikuwa anatawala juu ya nchi nzima. Il vient de mourir. Amemaliza kufa. Et David ne monte pas à Jérusalem pour dire. Na Daudi hapana Yerusalem aseme. Ouf! Hapo sasa. Le vieux Saül est mort. Mzee Saulo amekufa. Abrek. C'est moi le roi maintenant. Hapo sasa mimi ndimi mfalme. Il consulte l'Éternel. Il sait que ça fait des années. Il a été un roi. Il sait que Saül voulait le tuer à cause de ça. Et il a dit à Saül, je ne porterai pas ma main sur loin de l'Éternel. Il a attendu son temps. Et maintenant son temps vient d'arriver. Il ne s'amène pas lui-même. La première phrase dit, de la brousse où il était, David consulta l'Éternel. Il dit, ça, ça, mais ta fanya est mon. Il dit, moi, je veux faire quoi au Dieu? Et Dieu lui dit, va à Hébron. On peut acclamer David. Beaucoup d'entre nous, quand il nous arrive d'avoir une petite opportunité, une petite grâce, un petit espace de pouvoir, on fait comment? C'est okay. Aller de l'autre côté. On consulte Dieu? Non, je suis déjà là. Merci Seigneur. Asante Bwana. Mais reste calme là où tu es. Lakini ubaki kimya mahali ulipo. David consulta l'Éternel. Je suis en train de parler de l'attitude qui nous permet de monter les escaliers vers la plénitude. Alors regardez comment son attitude se révèle. Dans ce texte, toujours. Il oignit roi sur Juda. On informa David que c'était les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül. Écoutez les paroles de quelqu'un envers quelqu'un qui t'a malmené pendant plus de 15 ans. Écoutez le langage de David. David envoya des messagers aux gens de Jabès à Galade pour leur dire, Daoudi akatuma wajumbe kwa wakaaji wa Galade, soyez bénis de l'Éternel. Mubarikiwe na Mungu. Aya. On peut lire ça ensemble. Tunaweza kusoma hii pamoja. Lis ça pour que ça reste en toi aussi. Soma hii libaki nawe pamoja ndani. Allons-y. Twende pamoja. Soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül, votre maître, et que vous l'avez enterré. Et maintenant, que l'Éternel use envers vous des bontés et des fidélités. Moi aussi, je vous ferai du bien parce que vous avez agi de la sorte. Que vos mains se fortifient et soyez des vaillants hommes, car votre maître Saül est mort et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle. Il ne fait pas référence à Samuel dans la maison de son père Isaïe. Au temps de Samuel, Samuel est parti oindre David chez eux à la maison. Maintenant David réfère à ce qui s'est passé hier. Il dit, je vous bénis, je vous ferai du bien. Et la maison de Juda m'a ouvert roi sur elle. Natosheka. Et c'est suffit, je suis satisfait, je n'ai pas un problème avec elle. Soyez bénis. En ce moment-là, la grande partie d'Israël est dirigée par qui? Le reste de l'armée de Saül. Mabaki ya majeshi wa Saulo. Les choses sont à la manière de l'inconnu. On ne sait pas ce qui va arriver. Kuna mchanganyiko, hawajui nini takayofika. Et David régna sur Juda pendant quelques temps seulement. Na Daudi akatawala juu ya Yuda muda wa wakati. Regardez le texte que je vous ai donné. Sasa angalia andiko niliowapatia. Chronique chapitre 12. Mambo ya siku ya kwanza sura 12. Verset 23 à 40. Mstari wake wa 23 hadi 40. Bwana sifiwe. Amen. Est-ce que vous êtes encore là? Ngali hapo. Si tu es là, tu acclames le Seigneur. Kama uko hapa ushangilie Bwana. Lorsque le reste d'Israël a constaté, wakati waliobaki wa Israeli walipogundua, que les choses marchent chez David, ya kwamba mambo yanaendeka kwa Daudi, à Juda, pa Yuda, ils ont dit, hey, wakasema, allons chercher David, twende tukamtafute Daudi, qu'il règne sur nous, na atawale juu yetu. Écoutez-moi, frère. Lorsque la gloire de Dieu est en toi, wakati utukufu wa Mungu kwa les gens mwako, vont même aller te chercher watu watenda kukutafuta, que tu viennes régner sur eux. Tu n'as pas besoin de lutter. Hauna haja kupigana. Dans le ministère, ndani ya huduma, quand Dieu est avec toi, wakati Mungu yuko pamoja, ne bouscule pas avec des coudes usianze kupigana contre les frères et les sœurs. Cherche à monter seulement. Tafuta wewe tu upande. La gloire de Dieu va t'établir. Na utukufu wa Mungu utakushimika. Dans une entreprise là où tu travailles, ne cherche pas à bousculer. Cherche la gloire de Dieu. Elle va t'imposer. Ne t'étonne pas que votre directeur te dise, je vais en fait partir, je rentre chez nous. Je pense que c'est toi qui vas rester à ce poste. Alors que tu n'es pas son adjoint. Tu es quelque part là. La gloire de Dieu peut t'imposer. Que la gloire de Dieu impose quelqu'un. Même dans le degré où vous êtes arrivé. Ce qui est merveilleux, c'est ceci. C'est que à chaque niveau de progression vers la gloire, ce qui est de Dieu commence déjà à se manifester. On n'a pas encore le maximum, l'abondance et la plénitude, mais au degré où tu es arrivé, Dieu peut se manifester pour toucher quelqu'un, pour guérir quelqu'un, pour poser un acte, pour opérer un miracle. Déjà, soit dans la course, dites à ton voisin, soit dans la montée, soit dans la montée, et à la mesure de là où tu es arrivé, comme dans un miroir, ne regarde pas au résultat d'aujourd'hui. Tu ne vas plus monter. Beaucoup sont distraits par les quelques miracles qu'ils viennent d'expérimenter, les quelques succès, les quelques faveurs qu'ils viennent d'obtenir à l'escalier 1. Alors que Dieu les attend au sommet, Dieu attend chaque archois au sommet. Je dis que Dieu vous attend au sommet. Alors ne vous limitez pas ici. Soyez pas distrait ici. Contemplez la gloire. Tout en vivant Dieu maintenant. Portez les regards sur la plénitude. Cherchez la plénitude. Regardez maintenant. Lorsque Israël, les 12 tribus, viennent pour introduire David. Wanakuja kwa ajili ya kumshimika Daudi. Ah. J'aurais bien voulu être dans cette réunion là. Ningependa nikuwe ndani ya mkutano huo. Le titre. Kichwa ya guerrier, écoutez. Sikiliza. Guerrier des 12 tribus qui se rendirent à Hébron pour établir David roi. Wapiga vita wa kabila 12 walioenda Hebron kwa kumshimika Daudi kama vile mfalme. La cérémonie précédente. Ni kusema hii sherehe iliyotangulia. Roi Ajida. Walipomshimika kama mfalme. Il y avait des hommes normaux. Kulikuwa watu tu wa kawaida. Wazee. Mais cette rencontre ici. Lakini mkutano hii. Tous les guerriers. Wasujao chaque tribu. Kila apporte ses guerriers dans la cérémonie. De telle manière que si c'était moi David, je dirais, moutoua pime. Que quelqu'un ose maintenant. Que quelqu'un ose maintenant. Moutoua pime. Que quelqu'un ose. Si c'était Saül, il allait couler depuis les premiers jours. Parce que regardez, nos armées dans ces pays ici africains, ils ne comptent pas beaucoup d'hommes. Hawana watu wengi. Je ne sais pas au Congo on a combien. Sijui Congo tuna waskari ngapi. Notre armée contient combien d'hommes? Je sais letu lina waskari ngapi. Qui sait? Nani anayejua? Oui. Un million? 151,000 hommes armés au Congo. Elfu mia moja makumi tano na moja waskari Congo. Ok. Je ne sais pas au Rwanda ils ont combien, en Uganda ils ont combien. Rwanda 25,000, Uganda combien? Rwanda na kuwa elfu ishirini na tano. Je ne sais pas Uganda, Tanzanie combien, Tanzania. Etc. Maintenant, les paniers vont commencer à passer. Bon, asifiwe. Amen. J'ai envie de vous parler de ces choses. Ne vous fâchez pas si on déborde un peu. Il faut qu'on termine la pensée pour que nous puissions rentrer avec une pensée claire et complète. Alléluia. Alors prends ton offrande et donne ça à Dieu. Et va dans ta Bible. J'aimerais que nous puissions... Combien ont leur Bible? Wangapi wana Biblia zao? Ah, yeah. Ok. On va conserver ça alors. Regardez. Tazama. Voici. Tazama. Le nombre des hommes armés. Hesabu ya watu. Pour la guerre. Qui se rendirent auprès de David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saül. Selon l'ordre de l'Éternel. Écoutez-moi. Dieu Mungu est déjà d'accord avec David. La cabote de Dieu est avec David. Et dans cette cabote, Dieu engendre des œuvres. Mungu anazaa matendo. Parmi ces œuvres, ndani ya matendo la hayo, mobilisation militaire. Kuna kuita maskari. À la rencontre où David devient roi. Kwa mkutano ambayo Daudi anakuwa mfalme. Suivant. Ya kufuata. Fils de Judas. Si tu as la calculatrice, compte pour nous. Kama qui sera en train de compter. Ya kuhesabu, naweza kuhesabu dans le téléphone, calculatrice. Homme de Juda porta le bouclier et la lance. 6,800 armés pour la guerre. Allons-y rapidement. Les fils de Siméon, hommes vaillants. Apana watu ya bure. Homme vaillant à la guerre. 7,100, ok. Des fils de Lévi, 4,600. Et de Jehojada, prince d'Aaron, et avec lui 3,700. Et de Tchadok, vaillant jeune homme, et la maison de son père, 22 chefs. Hein? 22 chefs. Des fils de Benjamin, les frères de Saoul, l'ancien roi. 3,000, car jusqu'alors la plus grande partie d'entre eux était restée fidèle à la maison de Saül. Et je pense que Dieu dit ça à Moubakiye. Restez là-bas. Fils d'Ephraïm, 20,800. Hommes vaillants. Gens de renom d'après les maisons de leur père. 31. De la demi-tribu de Manassé, 18,000 qui furent nominativement désignés pour aller établir le roi. 32. des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Des Zabulon, 50 000 en étant d'aller à l'armée munis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille de cœur résolu. Non, ce ne sont pas des hommes simples. Des Nephtali, 1000 chefs et avec eux 37 000 portant le bouclier et la lance. Des Danites, armée pour la guerre, 28 600. Asser, en étant d'aller à l'armée et prêt à combattre, 40 000. De l'autre côté du Jourdain, les Rubénites et les Gadites et la demi-tribu de Manassé avec toutes les armes de guerre, 120 000. Tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron. Quelle beauté de rencontre. En sincérité de cœur, pour établir David roi sur tout Israël. Et tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David. Ils furent là 3 jours. On a compté les chiffres, c'est combien? Vous avez trouvé combien? 303 000 hommes de guerre. Hein? 340 822. Hommes engagés, hommes de renom, hommes expérimentés. Nous allons introniser les jeunes David comme roi. Vous voyez ce que Dieu peut faire. Hier, toutes ces armées-là étaient mobilisées pour attraper David et le tuer. La Bible dit, Dieu Mungu peut convertir le cœur d'un être humain. Anaweza kubadilisha moyo wa mwanadamu. Quand Dieu est favorable aux voix d'un homme, wakati Mungu anapendezwa na il dispose même les méchants anaweka tayari à la paix avec lui. 340 822 hommes de guerre. Allez au verset suivant. Regardez comment ça se passe. Pendant 3 jours. Et même ceux qui habitaient près de jusqu'à Issachar, à Zabulon, etc., apportaient des aliments. Des masses de figues, sèches, raisins, vin, huile, bœuf, brebis en abondance, car Israël était dans la joie. Quel est ton problème, David? David a obtenu le kabod. Et Dieu a commencé à se manifester dans sa vie en disposant le peuple à sa faveur derrière lui, des hommes armés. Ici, quand les rois sont intronisés, on n'a pas une quantité d'armées comme ça. Wakati mfalme anashimikwa tu na jeshi kama na hili. Et je voulais vous montrer ceci. Na ningependa nionyeshe hii. Saulo a été brûlé. Alichomwa. A été brûlé par les premières petites gloires. Alichomwa na ile utukufu kidogo ya kwanza. Or il n'y avait pas grand gloire. Na kukukua utukufu nyingi. David est entouré de beaucoup de choses qui peuvent tout de suite le décrocher de Dieu. et remplit son cœur. Regardez maintenant le chapitre 13, là où nous avons partagé depuis quelques jours. Verset 1er. C'est-à-dire, il vient d'être introduit de cette manière-là. On peut lire ensemble, verset 1. David tint conseil avec les chefs des milliers et des centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui résident dans tous les contrées d'Israël, aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans le ville. Où sont leurs banliers afin qu'ils se réunissent à nous? Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu Sanduku la Bwana Mungu wetu. Car mana, nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Wakati wa Saul. Sasa we roi, maintenant, tu as une armée comme ça. On est allé taka sanduku aka. Comment tu peux aller apporter une petite arche comme celle-ci? David sait. Daoudi anajua. Grande armée. C'est bon. Mais si le Dieu là ne vient pas, lakini kama Mungu huyo hakuja, si la kabode là kama utukufu huo ne vient pas, haukuje, ça ne sert à rien. Haifalie même kitu. Ses pouvoirs, hata mamlaka, même ces hommes armés formés, hata watu hawa ambao ne valent rien, hawana, n'apporteront rien, hawataleta, ne feront rien. Laisse-moi te dire, sans le Dieu des cieux, tout ce que tu as comme force, comme connaissance, comme richesse, comme réserve financière, comme investissement, ne vaudront rien tant que tu n'as pas le Dieu des cieux. David comprend cela. Et observons maintenant son comportement. Il est déjà suffisamment bien garni et entouré au plan humain. Je suis sûr qu'il avait aussi quelques stocks d'or et de, quand il allait avec ses hommes armés, c'est sûr qu'il a ramassé aussi quelques biens. Il était riche déjà. Il ramassait certains butins, non? Mais il dit, lakini anasema hapana. Armée, richesse, peuple derrière moi. Utajiri, sawa. Watu wanaokuwa nyuma yangu. Mais si je n'ai pas Dieu. Lakini kama mimi sina Mungu. Non. Natafuta Mungu. Je vais chercher Dieu. Et vous connaissez la suite, nous en avons déjà parlé. Namnajua inayofuata tu. Maintenant, allons au chapitre 14. Sasa tuende kwenye sura ya 14. J'aimerais vous montrer trois phrases. Ningependa nikuonyeshe misemo tatu. Ou quatre. Amaine. La première au verset 10. 14. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Suivez-moi maintenant. Vous connaissez l'armée que David a qui sont venus pour son introduction. Et les Philistins ne sont pas plus forts que ça. Et donc David peut dire tout de suite, les Philistins sont là, d'accord. Je ne sais pas, les clairons, on les joue comment? Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Je ne sais pas, c'est comment. Il allait appeler son armée. Venez, exterminez-moi tous ces ennemis ici. Mais regardez ce que David fait. Angalia ile ambayo Daudi anafanya. Première phrase. Msema wa kwanza. Verset 10. Shaili la kumi. David consulta Dieu. Daudi akamchunguza Mungu. Lignez ça dans votre Bible. Unaweza weka kistari chini ya hiyo ndani ya Biblia yako. En disant, monterai-je contre les Philistins? Les livrerai-je entre mes mains? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel lui dit, monte, je les livrerai entre tes mains. Et Dieu les livra entre ses mains. Vous gagnez le temps. Deuxième phrase. Pendant que Dieu vient de les livrer entre ses mains, les Philistins ont persisté, ils sont revenus. Au verset 11, 12, 13, verset 14, David consulta encore Dieu. Vous avez ça dans votre Bible aussi? David consulta encore Dieu. Et Dieu lui donne des indications de combat, etc. Troisième phrase, verset 16, David fit ce que Dieu lui avait ordonné. David, Daoudi, tu dépends un peu trop de Dieu, non? Sana tu es suffisamment garni. Tu es suffisamment fort. Un peu comme c'était d'entre nous. Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Le jour Dieu lui donne le mari, est-ce qu'on engage tel amour? Est-ce que tu parles encore avec Dieu? Abana. Non. Inatosha. Ça suffit. Seigneur, donne-moi du travail, donne-moi du travail. Bwana nipe kazi. Pasteur, je viens de signer le contrat. Baba, mchungaji, nimeweka sahihi kwa mkataba wangu wa kazi. Demain je commence. Na kesho naanza. Et quand tu vas commencer? Et là quand tu fais comment? Unafanya nini? Tu consultes Dieu? Ye unamchunguza Mungu. Et dans le parcours, ndani ya maisha ya comment tu fais? Namna gani unafanya? Quelle est ton attitude? Ali yako ni gani? Ici, il ne s'agit pas du faire. Hapa haiko kutenda. Il s'agit de mon attitude. Hapa ni qui suis-je? Mimi ni nani? Et qui est l'Éternel? Na Bwana Mungu ni nani? Par rapport à moi. Ufuatana na mimi. Je suis un homme. Mimi ni mwanadamu. C'est vrai, je suis bien entouré. Hakika kabisa nazungukwa vizuri. Mais je dépends de Dieu. Lakini mimi nahusika na lingana na Mungu. Et ça, na hii, ça touche Dieu. Inamgusa Mungu. Ça précipite Dieu vers toi. Inamwarakisha Mungu akuje kwako. Tu veux que Dieu se précipite vers toi? Unahitaji Mungu akuje haraka kwako. Voilà le chemin. Tazama njia. L'humilité. Unyenyekevu. C'est même dans le ministère. Unajua hata ndani ya il arrive que nous sommes nous avons l'opportunité de prêcher. Inafika wakati tunakuwa na wakati wa kuhubiri. Et on consulte pas Dieu. Na umchunguze Mungu. On a les cartouches. Unakuwa kabisa na masasi yote. On va activer. Utagusa tu huko. Ou bien on va à l'internet, on consulte l'internet, les prédications qui sont là dedans. Amonenda kwenye mitandao unaangalia mahubiri iliyo huko. Et quelquefois lorsqu'on monte pour prêcher. Na mara unapopanda kwa kuhubiri. On est déjà bien garni par son moi. Umesajazwa kabisa na wewe. C'est le moi qui précède. Ni mimi ndio unatangulia. Constatez ce que je suis. Mtazame mimi ni nani. Ensuite, na baadaye, écoutez ce que je vous dis. Sikilizeni ile ambayo ninawaambia. Ça se passe pas comme ça. Mambo yapitikane hivyo. Comment tu dépends de Dieu? Namna gani unamtegemea Mungu? J'ai fini mon album. Nimemaliza kanda yangu. Je vais faire là. Vous appelez ça quoi? Lancement. Lancement. C'est le vocabulaire actuel. Na sasa inaomba niitangaze. Lassement. Ninaomba nitangaze hadharani. As-tu consulté Dieu? Je umemchunguza Mungu? Non, tout est déjà là. Ah, mambo yote iko hapo tayari. Kila kitu iko. Tout est là. Kila kitu iko. Tout est là. Est-ce que pour David kila kitu iko? Je kwa ajili ya Daudi mambo yote. Pour David kila kitu iko? Est-ce que tout est là pour David? Est-ce que tout est là? Je mambo yote iko kwa ajili ya Daudi. Mambo yote. Malgré la présence de kila kitu. Malgré la présence de tout. Il va de toutes choses chez l'Éternel. Anaenda mbele ya Mungu. Pour dire Mungu Baba. Nasema oh Père Dieu. Unai. Tu vois comment? Je ne m'appartiens pas. Mimi si wa mimi mwenyewe. Je vous ai partagé la deuxième phrase, la troisième. Nimeshawazungumzia juu ya msemo wa tatu. Il consulta la troisième. Ya tatu. David fit ce que Dieu lui avait ordonner. Quand tu consultes l'Éternel, tu n'es pas en train d'aller prendre quelques fétiches chez Dieu. Ou dis Dieu, donne-moi ce pouvoir là, je vais aller frapper. Non, non, non. Je consulte Dieu et je suis prêt à faire ce qu'il dira. S'il dit tu ne vas pas à guerre, je ne vais pas. Même si mon armée me dit au roi on va te tuer, nous, laisse-nous partir. On a vu déjà dans la grotte dans la grotte, tuliona ndani ya, lorsque Dieu a livré Saül à David dans une grotte, wakati Mungu alimtoa Saul, et les hommes de David disent, chef, ndani ya jiwe, Mungu ametupa mateka, acha tukachinje haka. Et les hommes de David vont lui dire, Dieu nous a donné un bité, il faut que nous égorgions Saül. David dit, je ne porterai pas ma sitaweka mkono wangu sur loin ya mpakaliwa wa Mungu. On lui dit, mais laisse-nous faire. On va juste les transpercer dans ton agenda. Il faut quand même qu'il y ait une preuve que Dieu l'a livré. Ok, on coupe un morceau de son manteau. Et on part avec. Et David, regardez. Tazama. C'est-à-dire, une attitude ni kusema hali de soumission, ya utiivu, une attitude hali d'humilité, ya unyenyekevu, d'obéissance, ya utiivu, et de reconnaître na kutambua que je ne suis pas là si Dieu, si sans Dieu. Ya kwamba mimi si siko Dieu, bila Mungu, si je n'ai pas Dieu, kama sina Mungu, ça sert à rien. Haifalie kitu chochote. Bwana asifiwe. Amen. Regardez la fin de tout. Tazama mwisho wa yote. David fit ce que Dieu avait ordonné et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gera. Verset 17. Levons-nous, on va lire le verset 17. Levons-nous ensemble, on va lire le verset 17. On s'élève s'il vous plaît rapidement. Tunasimama tafadhali haraka. On s'élève rapidement. Tunasimama haraka, tafadhali. On va lire verset 17. Tasoma shaili la 17. 1, 2, 3. Moja, mbili, tatu. La renommée de David se répandit dans tous les pays. Jina la Daudi likavuma ndani ya nchi nzima. Et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Na Bwana Mungu akamfanya wakuogopesha mbele ya mataifa yote. Pas redoutable dans son pays. Hapana kuogopesha ndani ya nchi yake. Se répandit dans tous les nations au pluriel. Jina lake likavuma ndani ya mataifa yote. Qu'est-ce qui produit ces résultats? Nini nayoleta matokeo haya? Est-ce que ce sont les 300 combien hommes? Jeni wale watu 1300 qui le rendent redoutable? Ambao wanamfanya kuwa kuogopesha? Hapana. C'est la gloire de Dieu. Ni utukufu wa Mungu. Mais cette gloire, lakini utukufu huo, David a appris Daudi amejifunza comment on entre dedans. Namna gani unaingia ndani? Et comment on se comporte dedans. Na namna gani unakuwa unaenenda mbele yake. C'est ça le message de ce soir. Na hii ndio ujumbe wa jioni ya leo. Quelle est ton attitude? Hali yako ni gani? Vis-à-vis de Dieu. Mbele ya Mungu. Malgré tout ce que tu es capable d'être et de faire. Ijalishi yote unayokuwa na uwezo wa kufanya kwa ngambo. Quelle est ton attitude? Hali yako ni gani? Envers toi-même. Mbele yako wewe. Et envers Dieu. Na mbele ya Mungu. Par rapport à cette gloire que tu recherches, quelle est ton attitude envers toi-même et envers Dieu par rapport à ta destinée? Vas-tu consulter Dieu? Vas-tu dépendre de Dieu? Es-tu prêt à comprendre que sans Dieu tu n'es rien? Es-tu prêt à comprendre que malgré tout ce que tu as et que tu es, c'est rien si tu n'as pas la cabote? Levons nos mains et prions. Je ne te propose pas de prières. Prie seulement. Prie pour ton cœur. Prions, frère. Prions seulement. Prions, s'il vous plaît, prions. Tuombe tafadhali. Prions, prions. Tuombe, tuombe. Seigneur, donne-moi cette attitude de David. Seigneur, donne-moi l'attitude de David. Seigneur, donne-moi l'attitude de David. Fais-moi comme David. Seigneur, je veux être comme David. Dieu, je veux être comme David. Seigneur, donne-moi ce cœur-là. Donne-moi ce cœur-là, Seigneur. Donne-moi ce cœur, oh Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Brise mon cœur, Seigneur. Kare koboshita. Touche mon cœur, Seigneur. Abakaro sheke. Kerido kereba sako lejita. Dieu, touche mon cœur. Je n'aime que qu'est-ce que je puis, oh Dieu? Qu'est-ce que je peux faire sans toi? Qu'est-ce que j'ai, Seigneur? À quoi sert ce que j'ai? À quoi sert mes richesses? À quoi sert mes provisions? À quoi sert mes capacités? À quoi sert mes diplômes? À quoi ça sert? Qu'est-ce que le monde peut me donner? Qu'est-ce que le monde m'a donné? À quoi ça sert? Libère mon cœur, Seigneur. Je veux monter dans ta gloire. Je veux monter dans ta gloire. Je veux monter dans ta gloire. Je veux diriger mon cœur à ta plénitude. Je veux diriger mon cœur. Quelqu'un dirige son cœur. Quelqu'un dirige son cœur. Quelqu'un dirige son cœur. Quelqu'un dirige son cœur. Quelqu'un dirige son cœur. Quelqu'un dirige son cœur. Quelqu'un dirige son cœur. Vers l'Éternel seul. Mon cœur, vas-y. Mon cœur, va vers l'Éternel. Mon cœur, va vers l'Éternel. Mon cœur. Dites Seigneur Jésus, sema Bwana Yesu, je te désire. Ninakuhitaji. Père céleste, Baba wa mbingu, je te désire. Ninakuhitaji. Je veux monter là où tu es. Nahitaji nipande mahali ulipo. Dans ta gloire. Ndani ya utukufu wako. Dans ta gloire. Ndani ya utukufu wako. Que ce Christ soit formé en moi. Mpaka wakati Kristo atajengwa ndani mwangu. Je veux monter. Nahitaji nipande. De gloire en gloire. Utukufu hadi utukufu. Mais je suis encore encombré. Lakini ningali najazwa na vitu vichafu. Je suis encombré par le péché. Je suis encombré par la gloire du monde. Je suis encombré par mes possessions. Je suis même encombré par des dépôts du diable, les semences maléfiques. Oh Dieu, ce soir, Mungu wangu jioni ya leo, viens mon secours. Jo unisaidie. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, viens m'encadrer. Jo uniangalie. Dans cette marche. Ndani ya safari hii. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, encadre-moi. Wendo kaniangalie. Je veux y arriver. Nahitaji nifike huko. Tiens-moi la main, soutiens-moi. Nishike mkono na unisaidie. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, aide-moi. Unisaidie. Je te donne mon système de fonctionnement. Je te donne mon cœur. Nakupatia moyo wangu. Je te donne mes pensées. Nakupatia mawazo yangu. Je te donne mes attitudes. Nakupatia hali zangu. Travaille. Tumika juu yazo. Travaille. Tumika juu yazo. Travaille mes mécanismes de fonctionnement. Namna yangu ya kutumika. Aide-moi y aller. Unisaidie nifike huko. Avant la fin de ce programme. Mbele ya mwisho mkutano huu. Amène-moi. Unipeleke dans la plénitude ndani ya utele de ta gloire ya utukufu wako. Merci pour David. Asante kwa ajili ya Daudi. Tu le rendis ukamfanya redoutable akuwa wa kuogopesha devant toutes les nations mbele ya mataifa yote. Et ça continue jusqu'aujourd'hui na inaendelea hadi leo. Seigneur, Buana. Comment te le dire? Prends acte Wenduka kubali de la demande de chacun. Ombi ya kila mmoja. Prends acte de ma propre demande. Kubali ombi langu peke. Nous avons besoin de ta gloire. Tunahitaji utukufu wako. Fais-nous voir ta gloire. Tuonyeshe utukufu wako. Nous voulons ta gloire. Mon cœur languit après ta gloire. Je veux ta gloire. Viens dans ta gloire. Attire-moi dans la plénitude de ta gloire. Attire-moi, Seigneur, dans la plénitude de ta gloire. Attire-moi, Seigneur. Travaille-moi, Seigneur. Libère-moi, Seigneur. Affranchis-moi, Seigneur. Et amène-moi, Seigneur, dans les profondeurs de ta présence, dans les profondeurs de ta personne, de ton être, de ton essence, dans les profondeurs de tes œuvres, dans les profondeurs de ce que tu es. Oh Dieu, touche-moi. Unikuse. Merci Seigneur. Asante Bwana. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, tu nous as amené ici dans un atelier. Ndani ya nous sommes sur la table du potier. Sisi ni mezani. Façonne-nous s'il te plaît. Tutengeneze. Fais rapidement Saint-Esprit. Fanya haraka Roho Mtakatifu. Travaille-moi rapidement, Saint-Esprit. Ne me permets pas de perdre le temps. Ne me laisse pas perdre le temps. Ne me laisse pas perdre le temps. Travaille-moi rapidement, ô Dieu. Garde-moi près de toi. Près de toi, près de toi. Merci Seigneur. Merci Dieu. Asante Mungu. Merci Saint-Esprit. Asante Roho Mtakatifu. Accompagne-nous. Utusindikize. Exerce-nous et entraîne-nous. Utuzoeleshe na dans cette montée. Ndani ya mpando huu. Dans la plénitude. Kwa kujazo. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Allons dans